peu maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Dossé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Dossé, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle semaine de Planet Rap. Bonsoir, bienvenue, cette journée 100% français continue avec Monsieur Dossé, comme d'hab dans Planet Rap. Yes. Comment comme d'hab? Comme d'hab pour le rap français en général, puisque c'est vrai qu'on met souvent le rap français en général dans cette émission en avant entre 20 et 21. Mais c'est vrai que toi, comme d'hab, je peux comprendre ta réaction. Je peux le prendre bizarrement. Je peux comprendre ta réaction, puisque mine de rien, c'est ta première semaine de Planet Rap. Ouais. Après un long parcours. Ouais, depuis le temps. Depuis un sacré moment. Il fallait. Hein. Depuis quoi? 2003-2004, les tout premiers. 2004, les toutes premières mixtapes qui sont arrivées. Exactement, première mixtape, première compile, etc. Et puis là, dans les bacs depuis aujourd'hui, ça y est. Perestroïka. C'est ça. Voilà, c'est l'accent d'Orléans en fait. Hein. Non, ça c'est l'accent de Moscou. Ouais. Ça c'est l'accent de la mafia russe. Bon, on va parler évidemment de tout ce parcours, mais pour bien débuter ce Planet Rap, on va commencer. On a pris l'album, on en a fait un medley. Yes. Tu vas nous dire ce que t'en penses après. Pas de problème. C'était morceau en même temps. Donc, medley pour avoir un aperçu de cet album, l'histoire de 3-4 minutes. Okay. Écoutez bien, ça donne ça. C'est Dossé, c'est lui notre invité cette semaine. L'émission rap de référence. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir, le coup du patron. Planet Rap Dossé. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu baraques comme Obama. Parce qu'ils ont pu inhaler. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. Je crois que j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge, faut que je prenne le large. Je m'éloigne de ces fils de lâche. Car je suis bien trop vieux pour ces conneries. Bien trop vieux pour ces conneries. Je suis à deux doigts de leur faire une dinguerie. Deux doigts de leur faire une dinguerie. Le rap n'est qu'un prolongement du quartier. Arrêtez de croire qu'on est venu changer le monde en musique. Je me dois d'avancer masqué. Leur faire regretter de m'avoir enlevé mes chaînes et rendu visible. Fuck ces faux révolutionnaires de mes deux. Entre midi et deux, vous, toi, lui et eux. Oui, nigga. All the gods can judge me. Qui es-tu pour savoir qui est qui fait quoi, qui fait mieux? Planet Rap. Roule avec les mecs d'Orleans. Orleans. Roule avec les mecs d'Orleans. Héros marron, que gras blanche. Héros marron, que gras blanche. Vie comme des mecs d'Orleans. Crève comme des mecs d'Orleans. Maïka, juste un mec qui se démerde. Un charbonneur, un Renoir qui se démerde. J'suis pas you vois, juste un mec qui se démerde. Un charbonneur, un Renoir qui se démène. J'prie Dieu pour le meilleur. Mais je me prépare au pire. Hugo, j'suis venu en paix. Mais si tu tires, je tire. Planet Rap. Qui s'apprête à les enrhumer? Qui s'apprête à les enrhumer? Qui fait feu sur ces enculés? Qui fait feu sur ces enculés? Qui vient chercher l'argent où il est? Qui vient chercher l'argent où il est? Planet Rap. Je ne tire jamais. Je viens du dehors. Higo, je viens du dehors. Je suis pas obsédé que par l'argent. Non, Higo, je veux aussi de l'or. Yeah. Je n'ai pas vraiment besoin qu'on s'aime. Non, je n'ai pas vraiment besoin qu'on s'aide. Non, je vois l'humain d'un très mauvais œil. Certes, je vous le conseille. Planet Rap. Pablo. Baisse le marché comme Pablo. Pablo. Pablo, fume mes ennemis comme Pablo. Chassé, je gagne comme à Gaza. Chassé, je gagne comme à Gaza. Chassé, je gagne comme à Gaza. Chassé, je gagne comme à Gaza. Pas les couilles des accords de paix. Pas les couilles des accords. Pas les couilles des accords de paix. Pas les couilles des accords. Planet Rap. T'es Max Cabré. Kaira, laisse ta calme. Air Max. Trinqué. Sur bête poche, si je traîne toute la night. Et j'ai l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Planet Rap. Tu haïs ou tu traînes ou tu fais. Quand tu payes, quand tu traînes. Ma clique, ça fait bien, ça fait bien. Ça fait clic, ça fait bang. Pour mes gars là, je meurs pour tous mes gars là. Je ris pour

C'était la prod qu'il fallait pour le morceau qu'il fallait. Il y a beaucoup de producteurs qui ont bossé sur Perestroika. Vous êtes Il y a Core, il y a Therapy, il y a Red Room Music, il y a Richie Beats, et il y a Punisher. Et il me semble que c'est tout. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a quelques invités aussi, hein. On peut rappeler qu'il y a des morceaux qu'on a entendus comme Le Coup du Patron. Hein. Exactement, avec Gradure et Joke. Et Joke, il y a Caris sur Bouteille et Glock, qu'on connaît aussi. Voilà, et puis il y a les gars de ma ville, Pepero, c'est McCoy. Ça, c'est les. Sur le morceau Orleans. Ça, c'est l'équipe d'Orléans. Exactement, c'est l'équipe. Comment d'ailleurs on arrive à se faire connaître? Alors, c'est marrant, la semaine dernière, j'ai l'impression d'enchaîner Orléans. Il y avait Rizza qui était là. Ouais, on m'a dit ça en plus. Il y avait Rizza. Continue avec une semaine Orléans. Je me dis, putain, ouais. C'est un nouveau truc, il y a un nouvel axe. Ah, t'as vu, qui se met en place. le nouvel axe du mal. C'est le nouvel axe, non? Toi, comment t'arrives à te faire entendre? Bon, on va aussi rappeler, il y a le frangin qui t'a peut-être aussi. Le Frollo, Pete. Pete Bacardi. Ouais, t'as vu, moi, c'est sur sa mixtape à l'ancienne que j'ai posé mes premiers couplets. T'avais quel âge, toi, à l'époque? J'avais, je sais pas, 19 piges, quoi. 19 piges? Ouais, 19 piges, un truc comme ça, tu vois. 18, 19 ans? Ouais, voilà. Mais sinon, donc, baigné dans la musique, il t'a apporté quoi, d'ailleurs? Pete Bacardi, toi, tu te souviens de cette grande époque, Sector A? Bah, si, bien sûr. Mais après, moi, cette époque-là, je l'ai un petit peu vécu de loin, vite fait, tu vois. Parce que j'étais à Orléans. Mm-hmm. J'étais là, j'ai vu le truc et ça a sûrement dû me motiver d'une manière ou d'une autre, et moi, pour prendre le truc au sérieux. Mais tu pensais aussi faire carrière ou c'était de la passion avant tout? Passion. Pas forcément. C'est pour ça que je dis que ça a dû m'influencer peut-être inconsciemment. Parce que je me suis pas dit je vais faire ça parce que mon frère il fait ça. Tu vois. Non, c'est pas. C'est quoi? C'est la passion? Rapper, écrire? Ouais, voilà. Je kiffe la musique, je kiffe le rap. Donc quand j'ai commencé, voilà, petit à petit c'est devenu de plus en plus sérieux jusqu'au jour où j'ai sorti mes trucs, hein, c'est tout. Et puis il y a eu aussi, chaque fois tu te prends en main parce que je me souviens que tu as réalisé il y a pas très longtemps. La bande son d'un film, t'as tourné aussi un film. Ouais, un film, le film EBO, qui s'appelait Karma. Karma, ouais. Où j'avais invité pas mal de rappeurs dedans. Donc il y avait Niro, Sofiane, Seth Gecko, Escobar Maxon, Lalco, et ainsi de suite, tu vois. Et ouais, donc voilà, on a fait un petit truc en indépendant comme ça. Sans trop s'y connaître en cinéma, mais voilà, on a fait le truc avec les moyens du bord, on s'est débrouillé. Le but, c'était de vendre la bande son avec le DVD qu'elle avait aussi. Ouais. Mais en fait, le but, c'était surtout de faire du. Tu vois, de créer un truc, tu vois. De faire du spectacle un peu. Arriver avec un truc différent un peu, et voilà. Tout simplement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout ce travail en indépendant, parce que même si t'as signé maintenant chez Def Jam aussi, il y a eu tout un travail en indépendant où il a fallu charbonner, aller coller de l'affiche, aller. 10 ans de charbon. 10 ans de charbon. 10 ans de charbon intensif. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bah, allez hop, je vais peut-être passer à autre chose, faire. Est-ce qu'il y a des moments où tu baisses les bras en fait dans la musique? Non, non. Enfin, t'as des baisses de régime comme tout le monde, tu vois. T'as vu, t'es pas tout le temps au top de ta forme, mais moi le truc qui a fait que j'ai pas lâché ou que je me suis jamais dit que ouais je vais lâcher, c'est que je savais que je me suis jamais retrouvé dans les conditions optimales. Tu vois, pour justement sortir un projet et tout. Donc tant que cette carte-là elle était pas jouée, je me disais que non, t'as vu. Donc là t'es dans les conditions optimales. Tu considères être dans les conditions optimales? Ouais, je pense que. Ouais, en tout cas, je pense que je suis dans un bon truc, tu vois. Là, ça me permet de bien travailler, donc cool. La logistique est bonne. Comme dit mon gars de la Bongueo. Bon, c'est une mixtape, mais c'est vrai que ça ressemble quand même sacrément à un album. Hein. Toi, t'as connu aussi. Non, Oumar est pas d'accord. Non, c'est une mixtape, frère. Après, c'est pas parce que c'est du lourd que c'est un album. Tu vois? Non, mais c'est vrai qu'à une époque, il y avait beaucoup plus ce terme de mixtape qui était mis en avant parce que. Ouais, en mode scratché et tout. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ouais, bon, t'as vu, bon, avec le temps, c'est vrai que les termes, ils sont un petit peu galvaudés. Donc, ouais, bon, c'est. T'as c'est... eu un peu tout, t'as eu des street CD, des mixtapes. Street album. Street album. Ouais, voilà, ouais. Mais bon, c'est. Voilà, c'est. Après, en vrai, les gens, ils peuvent appeler ça comme ils veulent, hein, t'as vu. Street album, mixtape, comme ils veulent. Mais toujours est-il que c'est pas l'album. C'est pas l'album qui arrivera plus tard, hein, d'ailleurs. Ouais, Yuri, c'est le nom de cet album déjà. C'est ça. Ça, c'est le nom de l'album, c'est pour quand? Fin 2015? Ouais, si tu veux. Déjà voir un petit peu comment ça se passe bien là en même temps. Tu es content? Cool. Ouais, ça va. T'as des retours, je vois les messages. Continue à les balancer les messages avec le hashtag Dossé sur Skyrock. Ah, Bonne Collector, ouais, c'est vrai, parmi les beatmakers, j'ai oublié Bonne Collector. Ah, merde. Si, bien vu. C'est pas gentil. Bien vu, je sais pas qui. Bonne Collector, big up à lui pour la prod du dehors et de dernier mot. Voilà, c'était oublié quelqu'un, n'hésite pas, de toute façon il y a toute la semaine. Hein. Ouais, on aura l'occasion. Dans un instant, on va mettre un autre morceau. Il y a le nouveau son de Kendrick Lamar aussi qui a débarqué, je sais pas si tu l'as écouté. Non, pas encore. Le King Kunta maintenant sur Skyrock. Nouveau titre de Kendrick Lamar, c'est dans Planet Rap. It's Showtime! Planet Rap. Tous les soirs, 20h à 21h, c'est Planet Rap sur Skyrock. Kendrick Lamar, nouveau son à l'instant, King Kunta.

Je n'ai pas vraiment besoin qu'on s'aime. Non. Je n'ai pas vraiment besoin qu'on s'aide. Non. Je vois l'humain d'un très mauvais œil. Certes, je vous le concède. Je connais la street et ses vices. C'est 666 façons de faire de l'oseille. Ouais, je suis bien sûr que c'est de la frappe. Tu peux ou la fumer ou la prendre par le zen. Donc sors ta pesette, vérifie bien que le compte y est. Et file-moi fils à mes billets que je me barre de ce qu'est pied. J'ai comme l'impression d'avoir été suivi. Pourtant je me sens épié. Je pense à mes frérots qui croupissent en jaune. Nos soirées à se taper, des fous rires dans le bol. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas planifié pour se payer des jantes chrome. La vie a tous autant pour donner des leçons. Je perds pour mes jobs aussi, j'ai dans les coins sombres. Bah, Argon, Salmandry, la solution. Les plots, rifle, ça rend, c'est le blast de Jackson. Yeah, le dehors nous a rendu froid et calculateur. La terre. Vroom, fuck le régulateur. Des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 millimétrés. 9 millimétrés. Pour la plupart 9 millimétrés. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 millimétrés. J'attends que la banque m'envoie mon nouveau chéquier. Les entiers récupèrent leur terre au béquet. C'est un pour un mon frère. Si tu m'amènes jamais, j'ai encore tiré sur son père. Mais faut jamais dire jamais. Je viens du dehors. Je viens du dehors. Je suis pas obsédé que par l'argent. Non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent. Non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent. Non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent. Non, Igo, je veux aussi de l'or. Je suis pas obsédé que par l'argent. Non, Igo, je veux aussi de l'or. Perestroika, allez le chercher dans les bacs ou sur iTunes. Igo. Orleans 45. Le morceau s'appelle Le Dehors, vous le retrouvez sur le projet de Dossé. Exactement. Perestroïka. Sur Perestroïka. Tiens, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a un truc tout con. Il y a évidemment le téléchargement légal. Mais voilà. Si on aime bien l'objet, il y a un petit cadeau en plus. Ouais, il y a un petit écusson. Il y a un petit écusson, mine de rien. Un petit écusson Perestroïka qui est tout beau, tout propre. Pour rejoindre le gang. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, c'est pour rejoindre la secte. Pour rejoindre la secte, ouais, c'est ça. Voilà. Le Dehors, à l'instant qu'on écoutait, il y a aussi les images de ce morceau qui vont avec. Exactement, donc vous allez sur ma chaîne YouTube, hein, Dossé Vevo, et il y a le clip Le Dehors. Voilà. Dossé, avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21, on va aller faire un tour à Fécamp maintenant, rejoindre Cordier. Salut Cordier à Fécamp. Salut. Ça va bien? Ça va. Je te présente Dossé, c'est notre invité. Wesh Cordier. Ça va? Tranquille ou quoi? Ouais, ça va, nickel. Ouais, ouais, cool. Bon, est-ce que tu as récupéré le projet de Dossé? Ouais, bah oui, bah oui. Arrête de mentir, mon frère. Arrête de m'étonner, mon frère. Je l'ai commandé. Ah, bien, c'est vrai qu'on peut commander. Donc là, il est dans la boîte aux lettres, peut-être demain, Cordier. Ah. Je pense en tout cas qu'il va pas tarder à arriver. Moi, si Cordier m'a l'air d'un petit escroc, Cordier. Non, mais non. Rien. Je l'ai commandé, mais je vais le commander demain. C'est ça, Cordier, en fait, l'idée. Non, je vais le commander, sérieux. Ah, on est passé à je l'ai commandé, là, je vais commander. Ah, tu l'as cramé. Je vais le commander. Bon, allez, les grands temps de rapper, Cordier, c'est l'heure du freestyle par téléphone. On t'écoute, mon pote, c'est parti. Tu sens, Hugo. Yo. Pète paillèche, allez-y, pète paillèche. J'en fais quand c'est pas la zone depuis que c'est plus de soleil. J'fais ton flow et léger, j'cut pour abré. J'ai des bonnes bases, on écoute les pour tout baiser. Baiser les tous, on me l'a répété plus d'une fois. J'ai accueilli des poches pour prendre ton flush que moi. Allô? Attends, nous avons petit problème technique, c'est reparti, Cordier. Ok, c'est pas vrai. C'est Fab, je sais pas, tu l'as fait flipper un moment quand t'es arrivé là. Faut qu'il se remette dedans, Fab. Pète paillèche, allez-y. Y'a un problème là, non? Ah bah là, vas-y, hein. Ok. Yo. Fais le paillet, j'allais-y, fais le paillet. J't'en fais quand c'est pas la zone depuis que t'es plus de soleil. J'fais ton flow et léger, j'cut pour abré. J'ai de la base, on est concilié pour tout baiser. Baiser de tout sous la tête et puis une fois. Chaque côté des poches, me propose ce flash. Tu es moi, baisse-toi, caisse-toi. C'est des yeux de casse-toi, casse-toi, cache-toi. Faut c'est pas ton iPad, j'm'arrête pas. J'ai cela, comme le dit Alka, j'condamné au studio. Comme dans le carton, sors 4 mais comment toi là de l'hashtag. J'crois pas mon cul, mais y'a pas ça. Comme booster, mais j'suis trop speed, j'suis en excès. Nique tes excès, t'as ça ton succès. Oh, boule up le tout bas, comme d'hab. J'suis en combat, ça bombe. Mino pour le mec, habille les mises, c'est mal à mon éminement, bouger les watts. Fanétique de manga, celui c'est trop d'art. Trop tard, c'est le monde numéro est trop hard. Que, en séquence, c'est la folie. On finit ton polling sur ton putain de bolide. Chinerai quand je leur ai décidé. Automatiquement, l'équipe est désignée. Petit à petit, les tubeurs un peu mieux que l'ancien. Quoi, ferme ta tue, cache, c'est de l'eau. Ça va ? Cordier, c'est bon ? Le rythme cardiaque, tout va bien ? Tout se passe bien ? Ouais, nickel. Eh bah écoute, merci à toi en tout cas pour le freestyle. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y. Ouais, Cordier sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Cordier officiel, Instagram, Cordier officiel. Eh bah ça roule, merci à toi Cordier. Pas de soucis. Bonne soirée, à l'instant le freestyle de Planète Rap. Vous, si vous venez rapper dans l'émission, inscrivez-vous 41759. On va faire aussi un petit durant cette semaine dosser un petit retour en arrière sur tes sons. Les sons que t'as balancés depuis, depuis plusieurs années maintenant. On va se plonger sur le morceau Ego. Ouais, Ego qui était tiré justement de la BO du film Karma. Karma, ouais, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, Ego, grosse prod de Red Rum Music. Lenny, big up. Allez, on balance maintenant dosser notre invité cette semaine dans Planète Ego. Nous on est tellement bornes excès, nos erreurs qui apprennent de nous. Tout dans la force et tout dans l'excès. Ouais Hugo, j'ai la haine de fou. Crash, aigreur et frustration. Gros refrain pour que la street retienne. J'rappe au rythme de mes pulsations. Gros coup de rein pour que cette biche revienne. Sexe, pouvoir et PMO, c'est la trinité pour nos âmes du père. J'm'excuse pour l'usage du terme, mais j'en tue qui me jugera à la place du père. Pas les couilles qui passent le mariage gay. Qui se tape la race et ça leur fout qui plan. Moi j'suis pragmatique même si j'fais de l'art abstrait. Veux juste me gaver sans gentil qui ment. Pas vu faire l'éducation de vos gosses. C'est à leur daron de faire leur job. J'suis pas un de ces faux rebelles low cost. Rien qui te m'étonne et rien que tu gosses. Savent pas dans quelle classe me mettre. Moi j'sais dans quel trou leur foutre. Corps de cheveux là et face de traître. La concurrence à le rire couleur souffre. Ici tu fais un peu de trahison. Ici tu fais un peu de coup de foutre. T'auras droit qu'à des regards très sombres. À des claques sur le boule et à beaucoup de foutre. Frère au noir font de vraies choses. Savent bien ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils exposent. Distribue de vraies doses. Jury. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Pèse comme si c'était ma dernière fois. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. Dernier droit. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Pèse comme si c'était ma dernière fois. Dernière fois. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. Dernier droit. J'rappe comme si c'était mon dernier soir. Tous là, vous c'était des gougnafiers. Non, Ego, ça n'arrange pas le Nesby. Ouais, Ego, j'suis venu tout rafler. Comme les beurettes dans l'R&B. Sorti du fin fond du four. Crac, musique pour tous mes accros. Hurlement de panique et mouvement de foule. Lève les bras, c'est un bras court. Fuck à peu près la demi-mesure. Ouais, Ego, c'est ma mentale. Soit j'crève au fond des abysses. Soit j'règne au sommet de la montagne. J'rappe pas pour les mouflets, mais pour les OG qui cogitent. Couplet après couplet. Je promotionne ma poésie maudite. Trop de pêcheurs pour un seul dieu. Trop de lécheurs pour une seule queue. J'aime bien me faire sucer au clair lune. Ouais girl, ça c'est mon côté fleur bleue. J'ai grandi à Orleans. Faites honneur à tous mes carnassiers. Cagoulé comme pour un bal masqué. Transaction de pilon et carnassé. Dédaigneux arrogant sûr de moi. J'suis beaucoup plus complexe qu'ils le croient. J'fais le bif pendant que leurs gamines tapinent. Pour pouvoir raquer leurs études de droit. Vrai niggas mon vrai jeez. Même les astres le prédisent. Pas dans le game mais en guerre. Ouais Ego, loin dans le turfu. That's where we go. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Pèse comme si c'était ma dernière fois. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Pèse comme si c'était ma dernière fois. Dernière fois. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. Perestroïka, perestroïka, je. Big up aux fans de Belgique. Traître musique. Oh Lenny. Je Morceau de dossier à l'instant, régulièrement, on va retourner en arrière durant cette semaine entre 20 et 21. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Retrouver certains morceaux, dont celui-ci, Ego, qui était donc sur la bande-son de ton film. Exactement. Que t'as réalisé. Ouais. Et qui est toujours dispo, d'ailleurs, on peut toujours trouver le DVD, la bande-son, si on cherche bien. Ouais, à mon avis, hein, ouais, en cherchant bien, on peut se démerder. Ça s'appelle Karma, c'était parti d'où d'ailleurs l'idée de faire ce film et... Bah, c'était parti de... En fait, à la base, moi, tu sais, c'était à l'époque où les web-séries étaient à la mode. Ouais. Il y avait La Fouine avec ses Fouine Story, tout ça. Exact. Vois, et tous les rappeurs avaient un truc. Et moi je voulais faire un truc un peu différent en mode fiction et tout, tu vois, une série pareil mais fiction, et puis au final c'est devenu un film. Donc c'est devenu un film. Ouais, il y a plusieurs participants d'ailleurs du rap français qui étaient dedans. Hein. Ouais, il y a pas mal de rappeurs d'ailleurs, plusieurs. Big up à eux tous, comme je disais tout à l'heure, S7 Gecko, Escobar Maxon, Sofiane, Niro. Voilà, tous ceux qui ont répondu présent, et il y avait la bande son qui allait avec, puisque c'était l'idée, voilà, avec le DVD et la bande son. Voilà, c'est ça. T'as d'autres idées comme ça en termes d'image ou... T'inquiète pas, Ou l'heure n'est pas encore venue. T'inquiète pas, frère, l'heure elle arrive bientôt. C'est vrai ? Ouais. Il y a des trucs en particulier ? Surprise. D'accord. Donc on guettera pour l'image, et puis en attendant, c'est vrai qu'à chaque fois, généralement, en plus, quand tu balances un son, il y a l'image qui va avec, hein, c'est ce que je disais. Ouais, en général. Quand on a balancé le dehors, là, on va mettre un autre morceau qui s'appelle Lord of War. Ouais, alors en fait j'explique, Lord of War c'est un bonus, c'est un titre bonus qui était réservé en fait uniquement aux personnes qui précommandaient le projet. Le projet, ouais, l'album. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui l'ont pas précommandé, elles l'ont pas ce morceau. Donc il fallait aller jusqu'à hier quoi en fait, c'était exactement, hier. Il y avait jusqu'à hier soir pour l'avoir. Et t'as vu, tant pis pour les retardataires, hein, mais bon. Ouais, ils vont pouvoir l'entendre maintenant. Comme on est gentil, voilà. On veut pas s'en exclure là. C'est son rattrapage. Exactement. Si c'était à l'ancienne, ils enregistraient avec des cassettes. Bah ouais. Comme ils ont plus de cassettes, ça existe plus. Bah tu peux mettre en route les différents appareils, les nouvelles technologies. Ouais, t'es en route. Allez, on écoute maintenant ce morceau qui s'appelle Lord of War. Boule à terre sous la skate K, virgule sur la skate bas, index sur la chaîne K, circule Renoir Chesta. Non, attends, fab. Est-ce que je me disais, je reconnais pas ta voix d'OC. Pull up select on man. Qu'est-ce que c'est cette version house? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une version pitchée à plus 50. Là, c'est une vraie. Non, mais je me disais, putain, merde, je reconnais pas ta voix, tu. Version Ibiza, frère. Alors, on va poser la question, qui a envoyé la version à Fabien? Ah, Pauline. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo Pauline. Bravo. Pauline revient d'Ibiza quoi. Pauline de Def Jam. Bravo. C'est Pauline de Def Jam. Elle est en Pauline soirée ou quoi? Elle s'est dit putain, je suis toujours ambiancé quoi. Voilà. Exceptionnel encore une fois. Bravo. Bon, on va essayer de récupérer quand même la bonne vitesse tout. Le morceau s'appelle Lord of War. On va essayer de... C'est vrai que je te reconnaissais pas là-dessus. À moins qui ça, tu l'as peut-être quelque part qui traîne Lord of War? Ouais, je l'ai. Ah bah vous. Il sort l'homme de la situation. Voilà, DJ Lord, voilà, dis ça. Voilà. Dis ça qu'on peut applaudir aussi. Bravo Lord. Bravo Issa. DJ Lord, dis ça. Bon, attends, on va écouter donc ce morceau qui s'appelle Lord of War. On va rappeler que c'était un morceau qui était en précommande sur l'album Perestroïka. Ah, t'es fou là, on risque de les éloigner du but là. Un morceau qui était produit par qui d'ailleurs, celui-ci de ça? Par Redrum Music encore. Redrum? Ouais, une prod de Redrum Music, voilà, c'est un morceau que je pense en concert il fonctionnera bien celui-là. T'as commencé à tourner un petit peu justement? Non, avec le projet, il y a quelques dates qui se mettent en place. Ça va commencer en mai, ouais, ça va commencer en mai. La première date c'est le 5 mai à l'Aéronef à Lille avec Joker Alonso. Puis après, il y a d'autres dates qui arrivent dans juste derrière. Je te donnerai toutes les dates. Ouais, voilà. On retrouvera les dates. D'ailleurs, on en est où sur cette date à Orléans? Parce que je me souviens que la dernière fois, tu étais venu, c'est avec Gradure, je crois. Ouais, non, avec Joke. Avec Joke, ouais. C'était avec Joke, ouais, où tu disais que dans ta ville, tu pouvais pas jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ça continue. Hein, toujours pas. Ah, le boycott, il continue. Hein. Ah, t'as toujours pas le droit de jouer dans ta ville, en fait. Ouais, ouais. Toujours pas pour l'instant. Bon, bah écoute. On verra. Hein. On va comment voir comment ça s'appelle déjà. L'Astrolabe. Allez faire des sittings devant l'Astrolabe, là. Allez leur demander pourquoi ils veulent pas que Dossé joue avec dans sa ville. Grosse pancarte, on veut Perestroïka dans notre ville. Ça c'est fou quand même, ouais, c'est complètement ouf. Je suis un mec de là-bas, mais j'ai pas le droit de. T'as pas le droit de jouer là-bas, ouais. Il y a pas de salle pour toi en tout cas à Orléans. Ouais. Bon, ce qui est encore triste maintenant en 2015 en même temps. C'est clair. Tu vois, à l'heure où le rap, t'as vu, est au top dans les charts et tout. Tu vois, ça y est, c'est bon, c'est rentré dans les mœurs. Tu vois, je pense que c'est fini l'époque où. Contre culture, contre machin, tu vois, ça y est, là maintenant on est dans le truc, mais apparemment ça passe toujours pas. Hein. Bon, le message est passé pour l'Astrolabe, d'ici là tu seras en tournée un petit peu partout. Est-ce qu'on a retrouvé le morceau, messieurs? Ah bah il est là. On peut donc balancer ce titre. Lord of War. Lord of War. Désolé maintenant. Pour vos oreilles. C'est la bonne vitesse, hein? Ouais, c'est bon, là c'est nickel. je préfère. Ah, boule à boule à terre sous la skate car, virgule sur la skate bar, index sur la chaîne car, circule Renoir Kesta. Non, non, nous n'avons pas que de l'argent à revendre. Est-ce que tu me comprends, frelo? Je vous avais bien dit que j'aurais ma revanche dans cette putain de vie ou dans le trollo. Faites entrer les lords en foi, faites de sang, animaux de foi. Tous vos yeux sont braqués sur nous, tous nos feux sont braqués sur vous. Mauvais garçon, mauvais garçon. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Que les anges du destin me guident. Je fais la fierté des braves, mais je veux les sponsors et l'assassin de Gims. Fous la merde, agitez les bras. Je me charge livrer de la bonne dope. Je suis méchant comme Slevy et les bras. Je fais payer leurs péchés au MC comme John Doe. Faites entrer les lords en foi. Bête de sang, animaux de foi. Tous vos yeux sont braqués sur nous. Tous nos feux sont braqués sur vous. Mauvais garçon, mauvaise garce. Mauvais garçon, mauvaise garce. Mauvais garçon. Un défaut d'argent, je n'ai eu que des ennemis. Ennemis? À ne plus pouvoir les compter. Je pourrais tuer pour les miens, mais je sais que c'est les miens qui vont me tuer. Grosse mort de pulcra, car toutes vos playlists pulcra. Le sol se dérobe sous mes pas. À défaut de la lune, je viserai leur nus. Faites entrer les lords en foi. Bête de sang, animaux de foi. Tous vos yeux sont braqués sur nous. Tous nos feux sont braqués sur vous. Soit de bicraveur de bonbonne. Ego, sache que je suis là depuis. Je braque un respect que j'attends plus qu'on me donne. Mais rebeux ne sont pas négrophobes. Et mes renois ne prennent pas pour des rebeux. Parle pas de business au fun. Enfoiré les choy de sous la bandone. Faites entrer les lords en foi. Faites de sang, animaux de foi. Tous vos yeux sont braqués sur nous. Tous nos feux sont braqués sur vous. Dossé sur Skyrock en TT, bravo à vous. Yeah. Perestroïka, va le chercher ou on vient te chercher. T'as pas compris ou quoi, Hugo? Vrai drum music. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Dossé, notre invité. Donc ce morceau pour les chanceux, ceux qui ont précommandé avant, avant la sortie. Exactement. Bon, on peut toujours quand même le commander dès maintenant, hein, si vous kiffez les sons de Dossé. Ouais. Sauf qu'il y aura plus ce morceau-là. Dommage, mais il y en a d'autres. Mais il y a les 15 autres, t'as vu. Donc voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est quand même plutôt bon à avoir. Très très bon même. Téléchargement légal, sinon il y a le CD aussi pour ceux qui ont mis l'objet. Ouais. Avec un petit cadeau en plus. Ouais, d'ailleurs, je précise que le CD, il est limité à 5000 exemplaires. Hein, donc c'est tu vois, c'est collector en vrai. Ah c'est oui, donc c'est ceux qui l'auront, ils auront un précieux entre les mains, tu vois. Perestroïka, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour nous faire un peu de live maintenant, Dossé? Oh, je veux bien. Pour conclure ce soir ce Planète Rap. Oh, si t'insistes. Bah, moi j'aimerais bien. Pourquoi pas? Je sais que tu découpes ça en live, donc. Si tu es prêt, si Lord Issa est prêt, yeah. On peut attaquer maintenant. Lord Issa. C'est quoi, c'est un morceau de l'album que tu nous fais? C'est Bendo. Bendo. Je vais faire Bendo en live. Bendo en live avec Dossé. Yeah. Yeah. Bendo. Perestroïka. Bête de blue, paire de Gita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de sopu. Mon bigot commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de te puce. Celle-ci m'a pris pour son raclo, ça devient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de dope, coke, weed, hache, caillou. Toutes sortes de bolos, bap, taureau, noir, rebe, pas de jaloux. Je pense cesse, extra quand j'ai pas d'oseille. Je mate les culs sur Insta comme j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce moji, Benzo. T-Max, Cabré, Kaira, lève ta canne, Air Max, craqué, sur vête poche pleine de style. X-Gelard de la coco, c'est que j'ai plus de chances d'attraper le DAS que de gagner au loto. Dans le bendo, bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Le Zankoum, téléphone du carp là. Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir se tout, mais you voit son de sortie. Bouteille à la bleue, ta gamme, même si personne cheese. Grégousse, belvé, bombé, insolent effronté. Même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves enchelagués. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaque et DG, Givenchy, Balenciagué. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Bendo. T-Max, Cabré, Kaira, lève ta canne, Air Max, craqué, sur vête poche pleine de style. Et j'ai l'air de la coco, c'est que j'ai plus de chances d'attraper le DAS que de gagner au loto. Dans le bendo, dans le bendo, crois pas qu'on joue. Dans le bendo, si je traîne toute la night et que j'ai l'air de la coco, c'est que j'ai plus de chances d'attraper le DAS que de gagner au loto. Dans le bendo, Perestroïka, pas de jaloux, pas de jaloux, Perestroïka, yeah. Tôt c'est la famine, DJ Core à la prod. Casse d'aide à tous les gens qui sont là dans le studio. La bon Guillaume, 92 Nanterre. Yeah. Farida, Salmon, Orléans. Voilà, sur Skyrock entre 20 et 21 avec Dossé, ce morceau qu'on retrouve le projet d'ailleurs Perestroïka. C'est ça. Morceau qui s'appelle Bendo dans Planète. Bendo. C'est ça, Bendo. 41759 pour les messages, le hashtag aussi, tu le disais aussi, les gens te suivent, il y a une grosse team derrière Dossé, puisque tu es en TT. Dossé sur Skyrock, bien vu les frères. Continuez avec le hashtag Dossé sur Skyrock entre 20 et 21 dans Planète Rap. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, on finit avec un dernier morceau, Dossé. Yes. Tu veux mettre quoi? Je sais pas. Du patron, un petit bouteille Glock qui est sorti aussi. Un petit, je sais pas. Wesh. Il est où le poteau? Bah, tu sais quoi, un petit bouteille Glock. Allez, bouteille Glock. J'ai envie d'écouter bouteille Glock. Bah oui, bouteille Glock. Le clip est aussi arrivé, on peut le retrouver. Ah. Attends. Il y a des demandes, ça arrive de partout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on nous dit Pablo. Ah, les gens, ils veulent Pablo, frère. Dans le studio, ça veut Pablo. Envoie Pablo, dis. Alors, on y va pour Pablo. C'est extrait de l'album de Dossé Perestroïka, le projet de Dossé, pardon, parce que l'album arrivera fin d'année 2015. C'est ça. Dossé avec nous et donc ce morceau, Pablo, c'est parti? C'est parti. Le vice me forge, ego. Je veux ma tête en une du magazine Forbes, ego. Arrogance, audace, haute ambition et force, ego. Trafic, transac, machination de toutes sortes, ego. L'attrait de la grande vie me porte, ego. Le savoir comme arme, l'argent comme clé pour toutes les portes, ego. Je fabrique mon produit, je l'emballe et je l'exporte, ego. Je vais rentrer dans l'histoire de la manière forte, ego. La rue me comprend et me supporte, ego. Elle se reconnaît dans la façon dont je me comporte, ego. Les mains sont sales, mes textiles est propre, ego. Fuck, flic, indique, juge, proc, ego. Chaque euro compte, chaque euro m'importe, ego. J'ai dit non à la zermie, que le diable l'emporte, ego. La miséricorde du très haut, c'est ce que j'invoque, ego. Je ne suis que le fruit pourri de mon époque, ego. Pablo, baise le marché comme Pablo, fume mes ennemis comme Pablo. Marche comme Pablo. Les plus belles suites, les plus bonnes escortes. Ego, Jet, Ego. Villa, Gamos. Oui, c'est ce que ça m'évoque. Ego, les haineux, jalouses, chatte entre eux et complote. Ego, mais c'est tout ce que peuvent faire ces fiottes. Ego, grosse prod gonflée au prot. Ego, j'arrose tous les blocs, ma dope les transporte. Ego, plus pure est la marchandise, plus haute est ta cote. Ego, Yuri fait ses jazz, quoi qu'ils en disent, en piste et ça choque. Ego, grosse pétasse en string qui gère le stock. Ego, grosse bretling, grosse berline optionnée à bloc. Ego, addiction aux grosses sommes, m'a dit le doc. Ego, mais je ne suis qu'un pauvre homme, chacun sa drogue. Ego, tu finiras seul avec ton oseille, m'a dit cette moche. Ego, mais je vivrai mieux mes peines de cœur au volant d'une Porsche, bitch. J'aurai gris sur le torse, bitch. Je dirige mon empire de ma tour d'ivoire tel un fucking boss. Ego, Pablo. Pablo, baisse le marché comme Pablo, fume mes ennemis comme Pablo, baisse le marché comme Pablo, fume mes ennemis comme Pablo. Perestroïka, va le chercher si t'as pas encore compris, va le chercher seulement, va chercher. Va chercher bonheur dans les bacs. C'est Dossé, ce morceau qui s'appelle Pablo, qu'on retrouve sur le projet Perestroïka entre 20 et 21. Yeah. On va pouvoir le découvrir cette semaine entre 20. Tu fais coucou à qui? Je sais pas, on m'envoie texto du F, un signe de la main. Je fais un signe de la main. Ah bah oui, il y a possibilité de mater un Planète Rap chaque soir sur l'appli, évidemment, sur le Skyrock FM. Ouais, ouais. Donc petit coucou à ceux qui sont en train de mater aussi les images avec le son de Dossé entre 20 et 21. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Et c'est Isoline d'Angers qui vient faire tourner la roulette, c'est bien ça? C'est ça. Salut Isoline, comment ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, en forme, je te présente Dossé qui est notre invité cette semaine avec son projet. Ça fait plaisir. Salut. Perestroïka. Salut. Ça va bien? Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Prête, tout taquet. Allez, on y va. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Eh bien, c'est le spectacle de Kev Adams en tournée dans toute la France et bientôt près de chez toi, Isoline. Il y a deux places qui t'attendent, on se dit quoi, le 30 mai du côté de Nantes pour toi, ça te va? C'est parfait. Eh ben, c'est pour toi, allez hop, c'est fait. Deux places pour aller voir Kev Adams en tournée. Franchement, merci. Je te fais des bisous. Bisous. Ciao, merci à vous tous, merci Dossé pour cette soirée. Merci à toi, Fred. Demain? Ouais, demain. Tu seras là? Ouais, demain, je serai là et je serai pas tout seul, je serai avec un petit peu de monde. Il y aura Bassirou, Rock Blood, Bissour, ouais. Peperos. McCoy et Agib. Et ben on découvrira tous les soirs entre 20 et 21 avec des invités. C'est ça. Et donc du monde demain attendu entre 20h et 21h dans le Planète Rap de Dossé et son projet Perestroïka. Merci Dossé. Merci à vous. Merci à Issa qui était au platine. Merci à vous tous. On va retrouver maintenant D-Fool. Eh oui, c'est parti. C'est parti dans quelques instants. Dans quelques minutes, comment ça va? Allez, on peut lancer le coup d'envoi tout de suite. Ça va bien, Fred et toi? Bah écoute, en pleine forme. Dossé, bien. Oh, D-Fool. Ouais, comment ça va? Je t'écoutais quand j'étais petit. Tu sais qu'on a des fans dans l'équipe aussi. Hein. Ah ouais? Karim, il connaît tout par cœur. Ah ouais, carrément? Ouais, tout. Ouais, mais la Marie, est-ce qu'elle connaît par cœur elle? Est-ce que la Marie, elle connaît par cœur? On va lui demander dans un instant, je sais pas où elle est, peut-être dans le couloir, elle t'attend peut-être devant le studio. Elle est certainement ici en train de courir dans le couloir. Si. Ah, tu viens de la voir passer. Momo me dit qu'elle vient de passer. Ah, très bien. Entre le moment où elle passe et où elle arrive, combien de temps faut-il? Bah, on aura le temps d'en profiter toute la semaine, hein, Dossé. T'es l'invité de Planète Rap jusqu'à vendredi. Je suis là, je bouge pas. Eh ben, nous non plus. On est là tous les soirs. On bouge pas. Puis on vous retrouve demain avec Fred, hein, à partir de 20h. Yes. Planète Rap, Dossé. À ne pas louper, c'est un peu le Planète Rap Orléans, le 10e. Ah ouais, tu es là en ce moment. Ah, ouais. Ça sent. Orléans, le 4-5. Ça représente, Orléans sur les ondes. Ils font fort. Eh ben, demain sur les ondes, 20h, 21h, Dossé, ok? Yes. Marie, t'aimes bien Dossé? Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah ouais. Voilà, ouais, bah ouais, bah ouais. Tu vois, Dossé, t'as la réponse à ta question. Ouais, moi aussi, je t'aime bien. Je ne t'entends pas. Mais bah, bon. Il t'aime bien aussi, lui. Ah bon, bah c'est cool. Très bien, je fais le traducteur. Oui, merci, parce que j'ai pas de casse. Donc, je fais français, française ce soir. Oui, oui, c'est ça. Très bien, bah, Dossé, demain, 20h. Pour la demain, ouais. Et pour tout le monde, soyez là, loupez pas le rendez-vous. Et nous, dans un instant, c'est parti avec Gradur. Gradur, premier son de la soirée qui arrive dans un instant. Bon, bah préparez-vous pour Gradur. On le prépare pour vous et puis on vous attend en direct au 01 53 40 30 20 tout au long de cette soirée. C'est Radio Libre, on va tout déchirer. Salut Dossé, salut Fredo. Ciao, ciao. Et ciao. Rendez-vous dans une minute, on arrive sur Sky. À toutes. À toutes. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.